selon UNAMUS de Corée du Sud, pour empêcher l'enregistrement des données concernant les crimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise comme patrimoine record mondial. Le Japon se montre impudent et ne verse pas encore à l'UNESCO le fonds de cette année, ce qui soulève la réprobation de l'intérieur et de l'extérieur.